Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@commercial-icloud.com. Fais partie de l'aventure Production Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Bonjour, je suis le lutin Bertrand et pendant mes pauses de travail, j'écoute 70%. En manchette ce soir, une poursuite contre Krispy Kreme, un incendie criminel et des produits dérivés d'un restaurant de poulet bien connu. Bienvenue à 70%. Vos chroniqueurs ce soir, Emmanuel Côté-Séguin, Tommy Colin-Vallée, Octave Savoie-Lortie, Jean-Sébastien Godette et Damien Blas-Bouchard. De se retrouver au centre de cette scène que j'ai visitée si souvent. Merci à tout le monde d'être là. Merci, Jonathan, pour ta belle introduction. Moi, cette semaine, en fait, je suis allé dans un party staff et je pense que c'était la première fois de ma vie que c'était comme pas moi qui travaillais pour remplacer le monde qui allait au party de Noël staff puis que j'arrivais après. Ah non, oui. Non, je pense que ça m'est arrivé une fois avec mon ancien job avant. Tout ça pour dire que ça a été une très belle aventure dans un chalet, mais le chalet, c'était avec des tapisseries qui dataient vraiment des années 70. Puis c'était comme tout un petit labyrinthe, c'était weird, on s'est vraiment cru pendant un instant. Là, il aurait pu avoir quelqu'un en big wheel puis deux petites jumelles. Là, c'était assez capoté comme endroit, puis il y avait une trappe qu'on pouvait pas ouvrir. Okay. Et puis, il y avait un gros set de clés weird, comme dans le temps, juste à côté. Ah non, non, j'avais vraiment l'impression de Barbe Bleue jusqu'au bout de la vie. Là. C'était une très belle expérience. Sinon, ben, c'est la première semaine aussi que 70% appartient au catalogue des productions podcast, un effort de l'Abitibi, qui est quand même sur les internets, fait que disponible un peu partout. Et ben, ça me fait bien plaisir d'aller rejoindre la famille, vu que c'est un effort de mon cousin. Et t'as vu, gars? On va voir ça à vendre à l'encan ce soir. Céline Dion de Noël? Oui, c'est Céline Dion de Noël. Céline Dion qui chante Noël. C'est avant l'opération. Hein? Oui, c'est dans le temps qu'elle avait des dents. Oui, dans le temps qu'on remarquait ses dents. Glorie, Alléluia, le petit reine au nez rouge, petit papa, Christ qu'on les connaît toutes par cœur, ces tunes-là. Ouais. Ah, il y a les enfants oubliés. J'ai jamais su pourquoi c'était une tune de Noël, ça. Ils ont froid, ils ont faim. Ils sont presque nus et ce sont les enfants du bon Dieu. Ben, c'est Noël religion. C'est... Moi, ma chanson préférée de Céline, c'est celle où est-ce qu'elle chante des noms de maladies. Ouais, ça c'est sûr. Cardiologie fœtale, nanotechnologie. C'est ma chanson préférée de Céline. Transplantation hépatique. Moi, si un jour je vais à un show de Céline, là, je vais être le gars en avant. C'est hey, chante ta toune de Sainte-Justine. Parce que c'est ça le nom ou la toune de la fibrose kystique, genre? Non, c'est ça, c'est la toune pour la fondation de l'hôpital Sainte-Justine, là, qui chantait des noms de traitement pour les enfants, puis... c'est que ça fait. En tout cas, on espère que ça l'a bien marché, parce qu'on aime ça, les enfants, c'est la relève. Ouais, ben, sans eux autres, qu'est-ce qui vaudrait la peine, hein? C'est ça. Fait oui, oui. Avant de se plonger dans le 70% qui débute, j'aimerais tout le monde qu'on applaudisse notre invité, Sébastien Kreid, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Oui, oui, oui. N'hésite pas à parler dans le micro à la hauteur de ce que ça te tente. Est-ce que tu es heureux d'être ici? Ah, moi, je suis content à 100%. 70%. En fait. Ah, j'aime ça. Puis sinon, ben, ça fait quand même longtemps que tu es pas revenu à Douteux. Il me semble que tu es déjà venu à 70% dans le temps faire un spectacle quand on était à la radio. Je suis venu à 70% quand c'était à l'UQAM, à la radio. Il n'y avait pas de caméra, c'était pas de broadcast sur vidéo. Est-ce qu'on avait mis au clair le fait que moi, les magiciens puis l'engeance evil, moi, je déteste ça pour mourir. Je l'ai senti dès que je te connais, parce que je t'en fais depuis que je te connais, puis okay. Tu pars en courant à jouer fois. Fait que, y a-tu quelque chose qui t'a poussé à aller vers les arts occultes malsains? Ben, quand j'étais petit, j'étais convaincu que j'avais des pouvoirs magiques. Fait que là, je me suis mis à étudier ça, puis je me suis rendu compte assez vite que ça n'existait pas. Fait que j'ai voulu recréer ça. Je voulais me faire croire à moi-même que j'étais capable de faire de la magie, puis ben, okay. Ça donne ça aujourd'hui. C'est comme une quête malsaine vers la folie pure. Exactement. OK. Oh, ouais. Et t'es appuyé là-dedans. Il y a ta copine qui est ici avec nous ce soir. Oh, j'ai ma publique. Là. Oui, ta publique. T'es papa, j'ai entendu dire. Ouais, ça fait un petit moment, là, 19 mois. Hey, ça passe vite, hein? Ça passe vite. Ouais. C'est bon, c'est bon. Est-ce que c'est toi ou elle qui change le plus les couches? C'est elle parce qu'elle n'a pas d'odorat. Ah! Crise de bon move, c'est une ça. Bonne raison. Tu l'as-tu comme hypnotisée pour qu'elle oublie qu'elle avait un odorat pour te servir de ça comme ça? Non, elle venait avec le package. Ça se passe en esti. Mais ce maire, il a fait ça, je pense. Ben là, c'est bon move. C'est à se souvenir. Et puis, ben sinon, tu nous as préparé un petit tour pour ce soir. Ouais, je vous ai préparé une roulette russe. OK. C'est bon. Une vraie roulette russe. OK. Tu sais que je vais être en crise, hein? Ah, tu sais que c'est le tour de magie que les magiciens manquent le plus. Ah, il ouais? arrive le plus d'accidents, ouais. Ouais, les gens meurent puis tout. Non, non, mais ils ruinent leur carrière parce que ça prend tes deux mains. Puis, ben, ah, ouais, je comprends. Ça se fait avec les mains. Il y a un risque pour les mains. OK. Tant mieux. Ça te rassure-tu un peu? Ben oui. Écoute, s'il y a plus de magiciens qui arrêtent de poursuivre ces rêves démoniaques-là, moi, je pense que c'est quelque chose qui va être heureux. Les astuces de magiciens. Sinon, ben, à part faire le mal pur, est-ce que tu as d'autres hobbies qui t'animent? Oui. Ben oui. T'aimes mieux pas en parler, genre? Non, non. Tu veux pas détruire l'image du nécromancien dans sa grotte, genre? Ben, j'étais un geek fini, j'étais un maniaque de bébelle. Puis là, ben, je viens de m'acheter un drone. Fait que là, je m'amuse à droner, à faire des vidéos, puis je fais du montage de vidéos aériennes. Ça s'appelle-tu comme ça pour vrai, droner? Pantoute. OK, mais je pense que ça pourrait mordre, là. Hashtag droner. Ah ouais. J'aime ça, le monde qui invente des mots, moi. Ah oui, ben, en fait, on a l'office. L'Office de la langue française au Québec oui, ben ouais. Invente des mots à chaque année. Là. Ben, c'est faudrait important. Leur soumettre ça. Là. Ben oui, ouais, peut-être. Le verbe droner. Ben là, après selfie, il y a des dronies maintenant. Là, ah, fait que c'est comme c'est un selfie pris avec un drone. Ben, ouais, ben, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il va y avoir des variantes de drone dans le ben, dictionnaire d'ici. Drone de vidéo. Là. Drone de. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ben, très content de t'avoir avec nous pour 70%. Ben, merci de l'invitation. On va jaser un petit peu, je ne sais pas si tu es un habitué. À partir de maintenant, il y a des chroniqueurs qui vont passer, ils vont parler de leurs affaires. Oui, c'est vrai. Ouais, on m'a averti que tu me demanderais si je jouais à Magic. Ben, moi, je me suis dit, tu es déjà passé à 70%, tu m'as déjà répondu que tu ne jouais pas. Je ne jouais pas dans ce temps-là. Est-ce que tu as commencé à jouer à Magic? Oui, j'ai commencé à jouer à Magic. Tu as des decks puis tout? J'ai un deck. On peut peut-être te sauver, man. On peut peut-être te sauver. C'est un quoi? Hein? C'est un deck noir monté en sacrifice avec bien des affaires qui me permettent d'aller chercher dans mon graveyard, ressusciter des créatures. Puis, j'aime ça comment tu parles. Ah ouais, c'est. C'est bon. Peut-être. Mais je connais rien dans Magic, je connais mon deck. OK, ben c'est la bonne manière de jouer à Magic. Merci beaucoup. Sébastien Crête, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. On va avoir une petite présentation à la fin du show. Puis ouais. Sinon, ben, j'ai entendu dire aussi que tu voulais aller te promener dans les tables et faire chier le monde dans leur bulle. Quoi? Ben non. Mais les divertir, c'est plus dans leur bulle. Je peux faire ça, non, là. Fais pas ça. Sois heureux. Et arrête. Non, mais merci d'être avec nous. Je pense qu'on est prêt pour le premier chroniqueur. Et oui, un conducteur de 20 ans se trouve dans un état critique après avoir conduit à 114 000 à l'heure tout en se filmant en live streaming sur Facebook. L'homme roulant sur la route 6 se filmait en train de fredonner des chansons, de faire des drôles de faces et de montrer son habileté à bouger sa langue. Il avait une main sur son téléphone et l'autre sur le volant en roulant à 114 000 à l'heure, ce qui équivaut en kilométrage à fucking beaucoup. Lorsque l'homme a perdu le contrôle de sa Honda Civic, on l'aura deviné. La Civic a ensuite fait des tonneaux, frappé un camion pour finir sa course contre la barrière de Jersey. La vidéo s'arrête juste avant la perte de contrôle de la voiture. Bon réflexe. Bon, c'est... Mais il y a quand même eu un cave pour tout le monde pareil. Ouais, ouais, puis aujourd'hui, ben, il a l'air cave puis magané. Ouais, c'est ça. Tant qu'à rouler à 114 000 à l'heure, là, demandez donc à quelqu'un de venir faire ça avec vous autres pour garder les deux mains sur le volant pendant que vous êtes cave. Ouais. C'est un très bon conseil. Ouais. Next! Incapable de trouver les toilettes d'un dépanneur 7-Eleven de Floride, un homme a opté pour l'option de se soulager dans un frigidaire à bière. Daniel Colon, 46 ans, est entré dans le dépanneur de Treasure Island vers 7h30 samedi à la recherche de toilettes, mais quand sa recherche a échoué, il a ouvert une porte où il était inscrit « employé seulement », ce qui mène toujours par des très belles aventures. Il a tourné dans un genre de corridor réfrigérateur et a uriné sur plus de 6 caisses de Busch Light, une sorte de bière. Donc, il a causé pour environ 100$ de dommages avec son urine. Un employé aurait aperçu Colon entrer dans le réfrigérateur et l'aurait confronté. Il lui aurait dit d'arrêter. Colon a quitté le dépanneur et est reparti en voiture. Il a été arrêté par les policiers qui étaient à sa recherche. En plus des accusations de méfaits et de cambriolage, il a également été arrêté pour ivresse au volant. L'alcool serait en cause dans cette affaire. Ben oui, Colis. Là, tu dis que l'employé est rentré, puis il a vu qu'il était là en train de pisser ses caisses de bière, puis il a dit arrête. Ouais, je sais pas s'il a arrêté parce qu'il a dit d'arrêter. C'est rough d'arrêter quand t'as commencé à pisser, là. Ouais, c'est peut-être à cause de l'employé qui a pissé sur ses caisses. Il l'a dérangé, puis là, lui, il était pas capable, puis tout. Ouais, c'était peut-être un pipi nerveux. C'est peut-être une victime, ouais, c'est ça. C'est une petite cave. Ben merci, next. Un homme de la ville d'Ada, en Oklahoma, a été accusé d'avoir mis le feu intentionnellement à son propre appartement. Riley Harmon a été arrêté après avoir incendié le Rolling Meadows Apartments. Harmon a admis avoir mis le feu parce que les invités ne voulaient pas quitter sa maison et le menaçaient. Personne n'a été blessé par l'incendie, mais Harmon a été accusé d'incendie criminel de premier degré car il a mis en danger la vie de ses voisins et la drogue serait en cause dans cette affaire. Tabarnak, hein? il a trouvé que c'était plus simple de crisser le feu à chez eux que le monde s'en aille. Tu sais, ouais, le monde voulait pas s'en aller. C'est quoi le plan B? Tu sais, c'est... Ah yeah, ça a marché, tout le monde est parti. Puis... Voyons! Tu sais, c'est un héros, ce gars-là. Je pense qu'il faudrait le mettre sur un t-shirt, quelque chose. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, merci. On va te revoir plus tard dans l'émission. Oui, ben oui, pour mon deuxième bloc de nouvelles. Oh, j'adore ça. J'aime ça, les nouvelles. Toi, comment ça se passe? Top shape. OK, c'est bon. T'es loquace. Fais attention avec les mots là, dans le métro. Hey, on passe au prochain. Prochain chroniqueur. It's called a road, it's called a rainbow road. It is a road that you go. Salut Emmanuel. Hey, salut Tommy, salut la gang. J'ai entendu parler de ta chronique, moi, tu vois. Ouais, j'ai fait un petit teaser sur Facebook, je te la dédie particulièrement. Oui? Je fais une série, une chronique hors série aujourd'hui. Je célèbre le retour d'un sport. Hein? C'est la saison de curling qui s'amorçait la semaine passée. Oui, avec la Coupe Canada, hein, Coupe Home Hardware, remportée chez les dames par Jennifer Jones. Hein, on ne se surprendra pas. Ben ouais. Et chez les hommes par Reed Carruthers contre l'équipe de Brad Gouchou, sans Brad Gouchou. Alors, bref, je ne suis pas là pour vous faire les résultats et tout ça de l'actualité du curling. Non, en fait, j'aimerais remettre de l'avant une tradition que Tommy et moi avons commencé il y a de cela quelques années, c'est-à-dire le hashtag Emming16. Et je vous ai amené une petite compilation des meilleurs Emming16 dernières ça. Années. Emmings, peut-être qu'on peut le rappeler, c'est Guy Emmings, le commentateur, analyste, verbomoteur de curling. Un homme qui a peur du silence. On le salue. Il a l'air bien sympathique. Alors, je l'ai séparé en trois catégories. Et puis, il va y avoir aussi deux petites citations d'autres personnes mais qui se sont classées sous le hashtag Emming16 malgré tout. Alors, je vais avec ma première catégorie, les évidences. Et je commence avec Michel Y. Lacroix qui essayait d'accoter le maître à penser, Guy Emmings, qui dit « Les surprises sont imprévisibles. » Pensons-y. Ensuite, Guy nous a sorti tout ça. Une de ces deux équipes va certainement perdre. C'est impossible qu'on gagne toutes les deux. Perspicace. Si on ne se rend pas en finale, on peut difficilement gagner le tournoi. Sans compter qu'ils l'ont fait à un très jeune âge. Brad Gouchou l'a fait il y a 10 ans, alors qu'il était 10 ans plus jeune. Est-ce que je l'aime? Un bon début de match pour Jill Brothers. Il faut dire qu'elle n'a pas eu des coups très, très difficiles, mais 100%, on peut difficilement espérer mieux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est des évidences. Vaut mieux être deux en avant que deux en arrière. au pointage, bien oui, sûr, oui, on s'entend. On m'a demandé si je savais compter jusqu'à 5. J'ai répondu oui. Tant mieux. Si vous essayez de stationner votre voiture dans le garage de côté, ça entre moins bien que directement vis-à-vis la porte. Et ça m'amène à ma deuxième catégorie, les non-sens, qui est un peu comme l'inverse de ce qu'on vient de faire. Tu t'es mouillé l'œil de lynx. L'œil de lynx. C'est, on sait pas trop c'est quoi le fond de cette métaphore, ça, de cet euphémisme, je pense. Ça vaut zéro comme dans moins un. Ça, je m'en rappelle de celle-là. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Là. La double sortie est automatique. Même s'il n'y a pas de double sortie automatique, on l'a dit tantôt. Mon fils s'est fait un sandwich au pain, une tranche de pain au raisin entre deux tranches de pain blanc. Pourquoi qu'on sait ça? On l'a dit, il a peur du silence, il faut qu'il remplisse beaucoup de temps d'antenne. Oui, c'est, hein. Oui, c'est long des games de curling. Ben a... moi, si tu me permets, ouais, ouais, moi, Guy Hemmings, il m'avait averti et je l'ai vraiment reçu en pleine face. Là, mettons, dans les 4 dernières années, j'ai été en crise après quelqu'un 3 fois et il y a 2 fois que c'était après Guy Hemmings. parce que notre emploi, c'est de l'écouter et de répéter dans le micro tout ce qu'il dit d'important. Et surtout de répéter. Puis à un moment donné, il y a comme 3 roches qui bougent pas, puis lui, il est capable d'en parler pendant 5 minutes. Là, c'est 3 roches qui bouge pas, là. Il y a 3 roches sont là, puis... Lui, c'est comme, mettons, c'est inspirant, comme un paysage... ouais, c'est une façon de le dire, oui. C'est, okay. Ben merci, poursuis. Il a chuté à un moment donné, peut-être qu'il s'est dit qu'il a un peu trop de poils de barbe dans les jambes. Catégorie non-sens. Aucune victoire, 3 défaites. C'est difficile d'avoir un départ plus difficile. C'est réglé l'histoire des brosses. Je n'en reparlerai plus. On aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin du match dans une situation particulière. Ma dernière catégorie, les logorées, hein, du grec logos pour parole et réa pour écoulement. on pense sans doute à diarrhée là-dedans. Alors, une diarrhée de parole, souvent, c'est justement un espèce de flot de mots. À un moment donné, tu dis une chose et son contraire. Et puis, j'ai aussi mis un petit peu tout là-dedans. On va commencer avec Nicolas Saint-Pierre, qui n'est pas Guy Hemmings, une de ses qualités premières. Descripteur des Olympiques de Gatineau, qui nous a dit « Il y a seulement en série que tu vois ce genre de match-là. Peu importe les chances, tu as toujours une chance. Hein? » Logique. Et on retourne à notre fameux Guy. Ce n'est pas un coup facile, même pour tout dire, ce n'est pas un coup facile, c'est un coup difficile. On a des réponses à tout. Est-ce que ce sont des bonnes réponses? Je ne suis pas certain, mais on aura des réponses. Je vais répéter, je le répète souvent, mais c'est le genre de match que je déteste. Quand l'équipe en jaune a les pierres rouges et l'équipe en rouge a les pierres jaunes, je me mélange facilement. Hey, ça l'aide pas, Parfois, c'est serré parce qu'on joue aussi mal que l'adversaire, mais parfois, c'est serré parce que l'adversaire joue aussi bien que nous. Pense à ça. On va avoir beaucoup plus souvent. On a commencé du côté de la formation de Brad Gouchou. On a commencé à commencer. Celle-là, je m'en rappelle de celle-là. Uh-huh. On a commencé à commencer. Au niveau du brossage, même si on a d'excellentes brosseuses, on ne peut pas se comparer avec Brett Galland qui fait 6 pieds 4 et 230 livres. On n'a pas cette masse musculaire. On ne veut pas non plus, j'imagine, du côté des dames. Je comprends. Tu es en train de dire que rares sont les femmes qui aimeraient ça faire 6 pieds 4 et faire 230 livres. Ouais. Même si ça t'amène une bonne force de brossage. Ouais. C'est sûr que si ce n'était qu'une question rationnelle, la concentration, on n'aurait pas besoin d'en discuter. Ce serait un automatisme et l'Alberta se présenterait le feu dans les dents. Elle ferait tout ce qu'elle peut pour essayer de remporter ce match. Non. Et pour terminer cette rare Écoute, une vision qui a eu un éclair de génie lorsqu'il a dit, et ça, je suis certain que tu t'en souviens. Sans compter que lorsque vous parlez tout le temps de la sorte, à un moment donné, personne ne vous écoute. Vous dites peut-être quelque chose d'intéressant ou d'utile, mais personne n'écoute parce que tout le reste du temps, c'est noyé dans des paroles inutiles. Je vais vous quitter là-dessus. Merci beaucoup. Emmanuel Côté-Séguin, mesdames, messieurs. Ah, Guy Hemmings, il m'a ramené un amour particulier pour mon sport, le curling. Moi, j'ai déjà été champion de curling. Ça a été... Moi, curling, c'est le sport dans lequel je suis monté le plus haut niveau. Là. Je faisais des tournois puis je gagnais de l'argent. T'as-tu des photos? J'ai des photos de moi, mais c'est pas l'époque que j'ai le plus de photos de moi. Fait que j'en parle beaucoup de cette époque-là. Sinon, ben toi, ça va bien? Ah, moi, super. C'est bon, tu vois, t'es rendu capable d'enfiler des mots. Ouais, t'as même posé une question, Sébastien. J'aime ça. Tranquillement, t'es à l'aise. Dis donc au technicien qu'on passe au prochain. Technicien, Alex, on passe au prochain. Pap, amène-moi une bière. C'est le lutin blasé. 70% de rabais, on adore ça. Bonjour, lutin. Joyeux cyberboxing vendredi fou de Noël Day, Tommy. Merci. Merci. J'avoue, on est passé par là. On est passé par tout ça, hein? Tu sais, comme on est déjà rendu au début décembre, puis on a déjà, depuis 2 semaines, des Pères Noël dans les centres d'achat. On a déjà eu des gros rabais. Fait que tout le monde a acheté déjà ses cadeaux de Noël. Les sapins sont déjà pas mal montés partout. Fait qu'on se demande pourquoi qu'on attend encore un mois pour une fête de Noël. J'avoue, on pourrait régler ça. Je pense que c'est déjà pas mal fini. Là, tout ce qui avait de plaisant est déjà fait. Fait que c'est pour ça que tu vois que je me suis costumé en lutin de Noël à rabais. OK. C'est pas mal juste ça qui reste après. Intéressant. Je voulais revenir, Tommy, sur la dernière prestation. Ici, j'avais finalement prédit que Trump allait devenir président. C'est vrai. Je voulais souligner le fait que, remercier en fait tous ceux qui ont cru en moi et en mes pouvoirs de divination. Mais je vous remercie pas de ne pas avoir cru à l'humanité, par contre. Ouais. En tout cas, on va voir à long terme. Hein. T'as-tu comme une date du retour des Nordiques qu'on parle des affaires importantes? Ça relèverait du miracle. OK, c'est bon, c'est dit. Il y a des limites à mes pouvoirs. Mais en tout cas... Donc, tu nous parles de quoi? Ben aujourd'hui, j'ai une chronique fourre-tout parce que je suis un homme et je ne peux pas m'en empêcher. Oh là là là là! Fait qu'on va commencer par quelque chose de léger, si tu veux bien. Je suis allé observer les outardes dernièrement, mais c'était pas la saison. Comme on dit, vieux... Mieux vaut outarde que jamais. C'est une joke de papa, ça. Fait que dans le fond, t'as regardé le ciel et il n'y avait rien. Ouais, j'ai pu contempler pas mal de vide, effectivement. Okay. Cette semaine, j'aimerais aussi qu'on se rappelle que derrière les attitudes de talk des rappers se cachent des gens sensibles et qui ont peur de ne pas être compris. Tonton, you know, you understand. Oh, oui, des gars. c'est ça que toutes les autres en background avec des fusils pensent aussi. T'sais. Je veux être compris. Comprenez-moi. J'avais entendu. Je sais pas si vous avez entendu parler de la dernière shit que Richard Martineau a faite dernièrement dans les médias. Bon, il a actionné un ricochet média pour $350,000 sur une satire de lui qui est mort avec sa pierre tombale, qui se fait pisser dessus, son âme qui s'en va au paradis, que Dieu veut même pas l'avoir. Fait que, tabarnak, ça peut pas passer. Ça peut pas passer. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'argument solide pour être capable de se défendre. Ben, parce que je tenais à dire que j'ai fait une campagne de sociofinancement pour son urne funéraire, donc cotisé généreusement. Puis je veux dire, il a dit « Vous êtes du vomi, monsieur le premier ministre. » On l'a vu là, à TV. Là. Comme j'ai lu dernièrement... Je pense pas qu'il va s'aider s'il gagne le procès. Genre. Ouais, c'est lui l'apôtre de la liberté d'expression, mais on n'a pas le droit de faire des choses contre lui. C'est important. Comme sa femme aussi, c'est pas mal là-dessus aussi. Ouais, ils font une carrière pas mal là-dessus. On a-tu hâte que ça arrive pour vrai, pareil, le sketch que t'as parlé? Hein? Ben justement, hein, c'est le temps des fêtes. On a un magnifique concours de dessin à vous présenter. Alors, j'ai reçu des dessins par le courrier. Et là, j'ai le premier dessin ici de Jérémy, 13 ans, qui est atteint de daltonisme et de syndrome post-traumatique. Jérémy nous a fait un beau dessin de son préféré Noël de toute la vie. Hein? Alors, c'est quand son mon oncle était déguisé en Père Noël et lui a offert une belle fusée. Oh, tabarnak! Oh, fuck! Si quelqu'un veut venir chercher... Ah oui, tu peux peut-être prendre une belle photo du dessin. Tu peux poursuivre. Alors, merci de ta participation, Jérémy. Hein? On t'envoie, dans le fond, un coupon pour une séance avec un psychothérapeute. Deuxième dessin ici, j'ai un dessin de Camille, 3 ans, qui est atteint de véganisme, qui, on le sait, est une maladie dégénérative. Et... D'accord. Donc, elle nous a dessiné, en fait, le moment préféré, c'est quand sa mère fait le sapin avec elle. Désolé, Camille, je ne pourrais pas accepter ton dessin, tu as dépassé les lignes. Ben, faite pour elle. Hey, c'est une leçon de vraie vie qu'elle vient de recevoir, toi. Faut jamais dépasser la ligne, les enfants. Et pour terminer, ben, j'ai un dessin de Mathilde, 2 ans, qui nous a fait un dessin qui s'intitule 8h01 au Walmart. On voit ici vraiment le charnier d'employés du Walmart hein, qui ont ouvert la porte et qui se sont fait piler dessus par toutes les personnes qui voulaient des rabais. C'est quand même magnifique comme dessin. On sent vraiment la déchéance. Je l'aime, lui, celui-là. Ouais, c'est quand même assez beau. Une vue aérienne du Walmart. Les deux dessins de Jérémy et de Camille, en fait, de Mathilde. On va les donner à l'encan avec l'album de Céline Dion. Voilà. Le luxe. Et oui. Et encore une fois, je vous souhaite un joyeux de Noël, Cyber Monday. De Noël. Joyeux de Noël. On espère te revoir, Lutin. À toutes les fois, t'as l'air plus déprimé. Je vais revenir bientôt avec des vidéos cette fois-là et j'espère que vous êtes là en grand nombre parce que je vais vraiment détruire votre enfance. Et voilà, s'il y a quelque chose qui mérite d'être détruit, c'est bien ça. On applaudit le lutin, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Ah, ça brise. J'ai entendu des grelots, c'est... Non, c'est pas moi, c'est mes gosses. Big Ball, là. Je viens de me faire donner deux pruneaux. Merci, Mathieu. Salut. Hey, on est à 127, ça, je pense. C'est quoi? Il m'a amené une cossin, ça? C'est... Ah, OK. Bon, ben je vais le checker. C'est quoi plus tard? Merci, j'aime ça. C'est Noël. Hey, salut, mon gars. C'est Noël, avant Noël. On aime ça. Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorimier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Salut, c'est Louis-Philippe des Contracteurs, vous écoutez 70%, puis j'aime ça, moi, cette radio-là. Je t'aime pas si t'écoutes pas cette radio-là. Sinon, ben, je pense qu'on est prêt pour le prochain chroniqueur, là. Ça devrait être un petit peu... Il y a des chiens. Bonsoir. Salut, Octave. Ça va bien? On va popper. Good. Moi, j'ai passé une semaine de réflexion un peu. C'était compliqué. J'ai toujours planifié d'avoir des enfants. Puis cette semaine, j'ai réalisé que je sais pas si je suis stérile ou pas, en fait. Fait que si ça se trouve, tous mes plans vont tomber à l'eau. Donc, j'ai passé la semaine à me concevoir un plan B dans le cas où j'aurais pas d'enfants. Je vais devenir coach de soccer pour les jeunes parce que ça en prend. Ma spécialité, je me suis dit, j'y ai pensé, puis je vais être 8 à 12 ans. Ma spécialité, parce que c'est vraiment l'âge auquel ils sont plus façonnables. Tu sais, tu peux les dresser. Et puis tu sais, après ça, s'ils se mettent à penser au sexe, c'est fini. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça ne fait pas un athlète fort. Et puis le problème majeur en sport amateur, c'est pas la stratégie de ça, c'est vraiment la discipline. Tu sais, ça prend des gens peuvent vraiment les faire travailler, tout ça. Surtout ces temps-ci dans le coin de comme Repentigny, l'Assomption. Il y a vraiment un relâchement assez... assez extrême. Donc, moi, ma stratégie pour instaurer la discipline, ça va être de me déguiser en Darth Vader. ou enfin, pas nécessairement en Darth Vader, avec un masque et puis une cape, tu sais. L'armure, au niveau régional, c'est pas nécessaire du tout. Non, c'est ça. Fait que je vais se faire. Et puis, en fait, l'important, c'est, bon, c'est surtout le masque, en fait, pour camoufler l'identité, avec un modulateur de voix intégré là, pour être menaçant. Puis la cape, c'est pour compléter le look un peu, parce que sinon, j'ai l'air d'un épée juste avec un masque Darth Vader, tu sais. Et puis, tu sais, je vais être une figure d'autorité imposante. Je vais arriver quelques minutes avant le match, après m'être changé dans ma voiture, évidemment. Stationné à quelques coins de rue du parc où il y aurait le match, pour que personne ne me voie, évidemment. Ouais, ouais, tu veux être Darth Vader, pas Octave. Du début à la fin. Exactement. Ouais, fait que ouais. Je me change dans mon char. Je pourrais investir dans un meilleur masque qui donne une meilleure vision périphérique pour conduire jusqu'au terrain, mais ça coûte cher, puis avec un salaire de coach de soccer bénévole. Ouais, ça... Loin, ça va peut-être se payer tout seul à un moment donné. Éventuellement. Fait que, puis. J'arriverai un peu, donc juste avant le match, tu sais, je donne quelques consignes claires, simples. La grosse stratégie, c'est pour les assistants coach, tu sais, qui s'occupent de ça, qui ne seraient pas déguisés, évidemment, parce que c'est pas le carnaval. Tu sais, je comprends. C'est un match de soccer. Et, mais sauf que je les regarderais, puis ils sauraient que s'il y en a un qui ne performe pas, tu sais, qui est un boulet pour l'équipe, je le réprimande devant l'équipe, puis la semaine d'après, il n'est plus là. Parce que c'est important de ne pas tuer un enfant devant d'autres enfants. C'est vrai. Pour le moral de l'équipe. Fait que si tu dois te débarrasser d'un enfant, il faut le faire à l'extérieur du cadre de l'équipe, mais tu gardes le chandail pour le donner à son remplaçant, parce que c'est un budget d'équipe de 8-12 ans. Ouais. Tu mets une marque dessus. Oui, c'est ça. Comme ça, ils savent. Aussi, ils savent. Et puis, c'est ça. Puis là, donc là, je les surveillerai. Puis tout ça. Puis évidemment, ils vont performer comme des champions, parce que quand ils ont peur de mourir, les enfants, c'est là qu'ils performent. Oh my God. Du moins, c'est ce que j'ai lu. Hey, t'as vu la victoire de Game de Soccer Amateur? Non, c'est pour un projet de vie. Ouais, je comprends. Puis une fois, c'est ça. Puis après chaque match, j'entrerai chez moi, tu sais, fier comme un coq, comme un paon. Ça. Comme un oiseau. Ouais, ouais. Et puis, je regarderai les classements sur le site de la Ligue, tu sais, en espérant que ça puisse combler le vide à l'intérieur de moi. Que tu planifies avoir, vu que tu pourras peut-être pas avoir d'enfants si t'es stérile. Je vais être très seul, en fait. C'est peut-être lié au fait que je suis des enfants. L'histoire le dit pas. Puis le seul contact, en fait, que je vais avoir, ou que je pense que je vais avoir, ça va être avec les parents des victimes, des anciens enfants. Ouais. Dont j'ai dû me débarrasser, parce qu'eux, ils vont avoir besoin de réconfort, j'imagine, fait que je vais les inviter chez moi. Pour qu'on jase. T'sais, je vais garder mon masque de Darth Vader pour qu'il y ait une distance. C'est peut-être pas nécessaire de voir l'humain derrière le bourreau de ton enfant. Je comprends. Fait qu'on va manger en silence. Je vais leur préparer des petits plats là, avec les paniers bio là, que j'aurai reçus en fonction des récords de la saison, des choses comme ça. Puis on va manger, c'est ça, en se regardant avec peut-être Radio-Canada en fond ou Espace Musique ou quelque chose comme ça. Il y a une vilaine mouche. Hein. Ouais, elle va s'en aller. C'est ça. Puis c'est ça, j'espère que ça va les aider. Je fais surtout ça pour les parents, pour qu'ils puissent quand même être avec les autres parents. Puis pouvoir continuer à encourager l'équipe malgré le léger traumatisme qu'ils ont vécu. Parce qu'évidemment, l'équipe va gagner, parce que ça va être la meilleure équipe de Repentigny ou l'Assomption ou les environs. T'as vraiment le contexte. Mais j'y ai pensé toute la semaine. Ouais, ouais, vraiment. Puis je l'ai regardé aller, puis je l'ai regardé célébrer avec l'équipe. Puis la victoire, moi, évidemment, en tant que coach, je vais rester en retrait. Mais je vais savoir, tu sais, au fond de moi, qu'est-ce que je leur ai apporté. Fait que je l'ai regardé célébrer, la cape au vent, tout ça avec la pluie qui me tombe dessus pendant qu'un mouvement de grue, sûrement, dévoile le terrain de soccer que j'ai conquis. Et puis ce souvenir-là, il n'y a rien qui va me l'enlever, puis je vais sûrement m'en souvenir dans la prison de Repentigny, j'imagine. Ouais, où je vais finir mes jours. La fin. Merci. Merci Octave, beaucoup. Octave, mesdames et messieurs. Dis nono, hein. Fait que là, si jamais quelqu'un entend ça, laissez-y pas coacher. Ça apprécie les cadavres. Toi, ça te tente pas de t'impliquer bénévolement? Moi, le bénévolat. Moi, j'aimerais mieux que t'en fasses pas, parce que comme ça, tu vas sauver des enfants innocents de pouvoirs occultes démoniaques. Et ça, moi, je pense que c'est important. Ouais, c'est ça. Il en a fait un, là, c'est ça. Il s'appelle comment? Il s'appelle Elliot. Elliot, c'est ça. OK. Ouais. En tout cas, on va passer au prochain, s'il vous plaît. Stéphanie de Monaco, l'ouragan, une des deux tounes de Stéphanie, à l'époque que les Français nous ont garoché un paquet de Lolita underage, qui avait pas de voix, mais que les Français trouvaient bien sexy. Ben, sauf quoi. Stéphanie, elle était pas très sexy. Non? Ah, Chris, non. J'ai amené ça, cette chanson-là, en honneur de Charas Demeux, Alexandre Fortier, mais il est pas là. Parce que cet été, à ma fête, il était là, au party, puis il avait trippé bien gros sur Stéphanie de Monaco quand j'y ai montré ça. Il a fait « Hein? Hein? » Ça existe? Non, hein? OK, bon. Avant de débuter dans ma chronique, on va faire une petite plug. Les Jeudis douteux à l'Atomic Café, ça existe toujours. C'est maintenant moi, Jonathan Simon et Bruno de Coningue qui sont en charge. Et cette semaine, on a un petit nouveau comme VJ, M. Tommy Godette. Ouais, je vais être VJ. Ouais, il fait le VJ à l'Atomic cette semaine, je dis. Noël. Puis on va écouter Kirk Cameron, ouais. Saving Christmas, mon film de Noël préféré au monde. J'y pense, j'ai envie de rire, petite calice. Fait ça va s'enfermer dans le char avec son beau-frère, puis le brainwash, sauce Noël. Ah, c'est pas bon. Ouais. Fait que c'est possiblement une de mes dernières, sinon ma dernière chronique en tant que curateur du Musée de l'Absurde. Faut pas se leurrer, je vais continuer de faire des chroniques, juste peut-être pas ça. Puis on est à 20 quelques jours de Noël, et qui dit Noël, de Noël, dit Bebel. Dit figurines, hein, quand on était jeune, on aimait ça, les figurines. Des bonhommes. Puis au Musée de l'Absurde, on en a pas mal des figurines. Fait qu'on va commencer avec Moïse. Moïse avec son buisson ardent. Il y a le Ark of the Covenant en dessous, là, mais on le voit pas. C'est comme dans Indiana Jones, le premier. Oui, ouais, même le design de la patente est ouais. Pareil comme dans Indiana c'est Jones. C'est ça, c'est pareil, pareil. Peut-être je vais vous les laisser à mesure. Il y a les tablettes de la connaissance. Tout est là. Ouais, ouais. Toujours dans la religion... La meilleure. La meilleure du Premier Testament. Noé! Yeah! Noé avec deux serpents. Un tigre. Ah, bizarrement, il y a juste un tigre. Il y a un lapin, une tortue. Ah non, il y en a un autre tigre en dessous. OK. Deux chèvres et deux renards. C'est Moïse. C'est Moïse en esti. On le reconnaît. Avec son rebâti la terre. Ça, c'est Noé, ça? Ça, c'est... Ouais, non, ah non, ça, c'est Noé, ouais. Noé, avant, ouais. C'était Moïse. Ça devait être popé pour jouer dans le bain, ça. Ça, c'est une des fois... Ah, ouais. Noé, c'est une des fois dans l'Ancien Testament que toute la population terrestre devient incestueuse. Genre. Ouais. On est tous le résultat parce que tout le monde est mort, sauf lui et sa famille, dans un bateau. Et la multitude revit. Tu sais. Ben avec Adam et Ève, ça l'était déjà pas mal parce qu'ils ont eu Caïn et Abel. Ils ont eu deux enfants et la multitude. Mais avec qui? C'est ça. On ne sait pas. T'as pogné ça où? Voyons. Tu veux même pas sortir. Quand on est en doute, c'est qui? C'est les aliens. Évidemment. Ça va vite. Bon. Ensuite, Grumpy Cat. Oh! Qu'on avait fait série d'ailleurs ici pendant un an, puis c'était Andy qui nous l'avait racheté dans ouais. Le temps qu'il habitait au musée, et on l'avait réinstallé dans le musée. Et il est dans le salon, le Grumpy Cat, puis depuis une semaine ou deux, ben j'y ai mis ma casquette de Elvis Graton 2. Hein? De Elvis Graton World Tour Think Big, esti. C'est dit. Fait que c'est comme ça qui. Ça y fait tellement. Maintenant, on sort le bas de Noël à Tommy. Ouais. Tu veux-tu me le tenir deux secondes? On va commencer avec un objet qui va être Rambo! Ah. The Force of Freedom. Ça, c'est l'édition des années mi-90, ça, un petit peu. Ouais, 95. C'est pas les figurines originales qui étaient quand même plus grandes que ça, mais c'est Rambo pareil. Hein? Rambo, la force de la liberté. Ensuite, un autre personnage de Rambo. Un ninja noir. Ça, on aime ça. Il y en avait deux ninjas dans les personnages. Ça, c'est les originaux de 85, je pense. Ça, il y avait un ninja blanc, un ninja noir. Il y avait plein de personnages. J'en avais un paquet quand j'étais jeune. Un ninja. Ensuite, construction de moi-même. Ben, on a beaucoup de... comment on appelle ça? Des montages. Ouais, des montages. Des remontages. Des hybrides. Ouais, des hybrides. Ça, c'est Hulk Hogan avec un corps de Insecticon des Transformers. Puis ce qu'il y a de particulier avec ce Hulk Hogan Insecticon-là, c'est qu'il y a un gros, gros, gros pénis puis un tout petit gland. C'est vrai. Il y a un petit gland puis un grand, gros pénis. C'est Hulk Hogan Insecticon. Il est pas mal sexy. Okay, j'adore ta créativité. Maintenant, c'est quoi qui reste? Attention, faut pas que je te touche le pénis. Parlant de pénis, ça, c'est une chauve-souris. OK? J'avais, tout comme le Hulk Hogan, c'était à 13 ans que j'ai fait ça, à l'école, en or plastique. Puis c'est une chauve-souris. Elle est latte en calice. C'est vrai. Ouais. Hein? Elle est vraiment très, très laid. Mais moi et mon ami Charles Royer, que je salue s'il nous entend, on avait eu une idée dans le temps qu'on a fait ça. On a dit, hey, on va mettre de quoi dedans. Puis comme ça, si jamais ça casse, ça va être cool d'avoir de quoi en dedans. C'est une bonne idée. Lui, il avait mis une senne. Puis une senne, ben, dans un four à céramique, ça a fondu. Ah. Mais moi, j'ai eu une bien meilleure idée que ça. J'ai mis un pénis dedans. Qui a pas fondu, lui. Bon, c'est pas en céramique, un pénis en céramique. Ah, okay. Fait que c'est un bat inside a bat. Oh là là! Pas fou, pas fou. Fait que si jamais ça casse, ben je vais avoir du plaisir. Ouais. Salut. Hey, merci beaucoup, Jean-Sébastien Godette, mesdames, messieurs. La collection du musée est disponible pour être... Abonnez-vous. En fait, là, on est sur Facebook. Et puis d'ailleurs, je vais sûrement commencer à faire des visionnements mensuels plus souvent. On a écouté l'intégrale de tous les Chucky la dernière fois. La poupée, elle marchait, elle parlait, elle souffrait. Je pense que j'ai jamais vu un monstre de film d'horreur manger autant de volets. Il reçoit tout. À la fin, il s'est rendu une joke. Il passe dans le broyeur. Il arrache tous les membres deux fois. Il perce des trous dedans. Il l'électrocute. Il pitch dans de l'acide, dans le faux, man. Ça a pas pauvre Chucky. Tu prends pour Chucky à la fin. C'est capoté. Puis là, ben en fait, au mois de décembre, bientôt, on va faire un petit pied le dinosaure-ton. Ça, c'est-à-dire... Ah, Seigneur! Alors, on va commencer à 10h le matin, puis on va finir tard dans la nuit. Mais on va avoir écouté tous les petits pieds le dinosaure. On est rendu à 13 ou 14 petits pieds. Ça, c'est des chansons dans la tête en perspective. Ah, la force de l'amitié, le courage, ça va tellement être beau. Bon, ils avaient toutes chez nous quand j'étais petit, puis les chansons, je pense que je les ai encore dans la tête des fois. Bon, ben, si tu veux réveiller des mauvais souvenirs, on va être là pour toi. Sinon, ben, je pense qu'on est prêt pour le prochain. Et oui, c'est déjà le temps des fêtes qui s'amène avec la neige et je me suis dit qu'il serait peut-être le temps d'honorer justement cette période spirituelle par quelques rituels acrobatiques dans la tête. C'est-à-dire que on va aller chercher des idées qui sont connectées avec Noël mais qui sont pas nécessairement drôles. Donc c'est l'idée de faire peut-être de l'argent éventuellement avec ça. Tu sais que Tommy, je me suis parti ma propre boîte de publicité. Et puis, bon, tu es invité à participer en tant qu'actionnaire, mais à travers ça, on a trouvé des idées qui pourraient peut-être finalement, éventuellement, nous rendre très, très riches. Et puis, c'est un peu l'idée que je me suis dit qu'on pourrait aller chercher les saveurs qui sont à même dans Noël. Qu'est-ce qu'on peut consommer directement, comme de la dinde, par exemple, comme la famille, comme des produits d'hygiène. Fait que j'ai fait préparer une espèce de petit medley. Une espèce de petit medley qui va nous aider à cerner c'est quoi Noël. Puis là, vous allez avoir une idée de quoi je parle. Parce que c'est pas clair jusqu'à maintenant. Donc, alors, Alex, si tu veux partir le petit medley, alors on y va comme ça. Quand on parle de dinde, il existe un endroit où ce festin sur pattes est heureux de vivre en attendant le jour où il sera plumé, puis préparé avec soin pour être enfilé dans un filet Bud and Butters. Ces festins sur pattes, c'est un animal élevé avec amour et dignité en attendant de faire cuire un gage de qualité Bud and Butters. Savourez-le dans sa sauce. Quand Louise s'est rasé la noune pour la première fois, elle a utilisé la mousse à roser pour elle, mousse aux moussettes aux framboises. Un pur délice au contact de la lame. Et pour les hommes qui aiment avoir un scrotum lisse et frais, préférez le vent du large aux vieilles habitudes échevelées. Choisissez l'eau à solution marine. Mousse Moussette, brise atlantique de Terre-Neuve. Yeah, yo. Wazazig, wazazig. Moi, je veux le développer. Pour un Noël blanc, je suis prêt à me perdre en forêt. bruit des sabots sur la neige. Le traîneau qui glisse vers la vérité de Noël. Yeah. Toujours le cheval au trot déclenche les grelots. Yeah. Sur le sentier de la neige. Le bruit des sabots dans la neige. Yeah. Toujours le cheval au trot, le traîneau qui glisse vers la vérité de Noël. J'ai mes amis, j'ai des cadeaux à offrir, perdu, j'ai tant dépensé. Le traîneau s'enfonce vers la vérité. Sur le sentier de Noël, toujours le cheval au trot déclenche les grelots. Sur le sentier de la neige. Merci. Ah, ça fait du bien de parler de Noël, hein? Il me semble que ça faisait quand même... De Noël, ben oui, effectivement. Ah, Damien, c'est la première fois que tu vois Damien performer? Je suis impressionné. Ah oui, hein? Le Superflux, c'est son émission. Je m'attendais pas à ça, pas tout. Je sais pas pourquoi il était habillé en Canada, mais ça fitait. On sait pas pourquoi ça fitait non plus. Alors, on arrive vers la fin du show tranquillement. Toi, tu es en train de te comme réveiller tes pouvoirs. Moi, j'anxiète puis je stresse. Ouais. C'est bon, c'est bon. On est prêt pour le prochain. Une violente bagarre à coups de fusil entre deux grands-mères a mené l'une d'elles en prison et l'autre à l'hôpital. En effet, Janice Brown, 53 ans, a rencontré une femme dans le stationnement du Walmart de Pleasant Grove dimanche dernier. Les deux grands-mères se sont disputées et Janice a tiré l'autre dame dans le cou. Brown a été accusée d'assaut sur la voie publique. Le Walmart se rend en cause dans la situation. Voyons, ça n'a pas de sens. Pauvre mémé. Hein? Ouais, c'est triste un peu quand même. Ouais, ouais. Next! La compagnie Krispy Kreme serait présentement poursuivie en cour fédérale pour fausse publicité. Accusée d'avoir vendu des beignes fourrés aux bleuets, érables et framboises qui ne contiendraient pas vraiment de vrais fruits ou de sirop d'érable dedans. Le plaignant, Jason Saladin, est à l'origine de cette poursuite, lui qui aurait acheté l'une de ses boîtes de beignes en 2015. Le plaintif demanderait 5 millions en dommages de la part de Krispy Kreme. La poursuite clame que Krispy Kreme ne donne aucune liste d'ingrédients pour ses beignes et clame que Saladin aurait acheté le beigne aux framboises parce que les framboises sont une riche source de vitamine C, de vitamine K, de potassium et de fibres alimentaires qui aident avec le cancer, les maladies du cœur et la dégradation due à la vieillesse. On lui souhaite tous bonne chance. Ben oui, fait que le gars il a acheté des beignes pour sa portion fruits. Pour sa santé. Là, il est... Il s'est fait mentir à hauteur de 5 millions de dollars. Pour être plus en santé, c'est comme le monde commande du Diet Coke au restaurant quand ils viennent de doubler leur portion de frites. Ouais, c'est... Faut être conséquent. Dire, vas-y, mon gars. Et voici maintenant la bonne nouvelle, 70%! Yeah! Yeah! Celle-là est spéciale pour les frères Portalance. En Nouvelle-Zélande, un concours a été lancé et le gagnant aura le privilège de ramener le délicieux arôme de la recette du colonel chez lui. En effet, KFC Nouvelle-Zélande, donc Poulet Free Kentucky, a lancé une compétition sur les médias sociaux et l'heureux gagnant gagnera une merveilleuse chandelle parfumée qui sent le Kentucky. Le post a reçu des milliers de commentaires et de likes des gens qui suggèrent des produits dérivés de PFK qu'ils aimeraient voir disponibles. Parmi ces suggestions, des bâtons grattés santé. La pâte à dents, c'est une bonne idée. Ben oui, ben oui. Des bâtons grattés santé, des lingettes humides, du parfum et des enveloppes aux délicieux arômes de poulet frit Kentucky. Comme seul le colonel sait le faire. Inimitable. Inimitable. Ah, merci beaucoup, Jonathan Simon. Ben oui. Merci, merci. Donc, on est rendu au moment où on va laisser le sorcier faire sa magie. Je serai pas loin si tu as besoin d'aide. On va te mettre le micro sur un trépied. Ce qui m'amène à remercier beaucoup, beaucoup Alexandre et Mathieu, nos techniciens d'amour. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour les techniciens sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Merci à notre invité. On va passer à lui. Merci aux chroniqueurs. Merci, Jonathan. Fait que 30 petites secondes, puis c'est notre ami Sébastien qui va me faire chier en direct. Oh yeah. s'interroger, de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Un chihuahua qui est construit une Porsche, un gouvernement qui contrôle ma poche, un robot du futur qui veut du beurre de peanut. Se brûler au bronzage, c'est considéré hot. Tu fais tout pour plaire à ceux que tu connais pas, pote. T'as pour l'important dans ton agenda. Quand tu prends deux secondes pour ouvrir les yeux, tu vois que dans la vie c'est plein de trucs douteux. Je le vois dans tes yeux. Tu trouves ça douteux. Je le vois dans tes yeux. Tu trouves ça douteux. T'encourager de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Pourquoi dans les films classés c'est 13 ans les hélicos explosent tout le temps? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer les couleurs des ceintures de karaté? Pourquoi y a des enfants des annonces de char? Pour plusieurs des barbeaux c'est des œuvres d'art. Faut pas rester en cabané. Ton écran va finir par te rendre cerné. Je le vois dans tes yeux. Toi tu trouves ça douteux. Je le vois dans tes yeux. Faut-il trouver ça douteux? Des chiens qui me vendent des cellulaires. Se mettent nus pour devenir populaire. Aller en Amérique latine pour apprendre le latin. Faire des jokes de viol avec des gens atteints. Voter pour des gens qui achètent leur vote. Bonjour, bonjour, d'un, un, deux. OK, c'est super simple ce qu'on va faire. On va y aller direct, straight to the point. On va faire un jeu qui est plutôt dangereux. En fait, c'est quelque chose qui a été banni dans 16 pays. Et puis, c'est un jeu qui concerne les choix. Vous allez faire des choix, et puis à chaque choix que vous allez faire, vous allez mettre la vie de ma main en danger. OK? C'est probablement le tour, disons, où les magiciens se sont le plus souvent blessés. Et pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça implique, en gros, c'est pas compliqué, je vais vous montrer un extrait vidéo. Donc, peut-être j'aurais besoin de la toile, si c'est possible. C'est super le fun, arrête. Je vais vous laisser le regarder, moi je suis pas capable. Ça, c'est l'année passée. Pas besoin de vous dire que je suis un peu nerveux. OK. J'ai dans chacun des sacs un petit bloc de bois comme ça. Ça a deux utilités, en fait. C'est, premièrement, ça me permet de garder les sacs stables. Et deuxièmement, ben c'est pour pas que je les reconnaisse au poids. Donc, ce que je vais faire, je vais... dans un des sacs, évidemment. Je vais mettre un stud. Comme ça. Tommy, mets ta main comme ça. Tu ne voudrais pas que ça rentre dans ta main, right? Ce que je vais faire maintenant, moi, je ne vais pas savoir où ils sont. Vous n'allez pas savoir où ils sont. Personne ne va savoir où se trouvent le clou et les blocs. Ce que je vais faire, je vais faire un petit shuffle bien, bien rapide, OK? Si vous avez peur du sang, juste vous rassurer, je vais essayer de garder la main vers moi, mais un petit truc, si j'enlève pas le clou, ça saigne pas. Puis, dans le pire des cas, ben, j'ai une serviette rouge. J'ai aussi une pomme, ça va servir pour un effet dramatique à la fin. Attention au verre de bière. Ah, merci. Pour un effet dramatique, j'ai mis une chemise blanche, fait que si je le manque... OK. Avez-vous le cœur sensible? Y a tout le monde qui a peur du sang? OK. Ben, regarde, va-t'en là-bas. Donc, rapidement, je vais les mélanger. Ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais demander à quelqu'un au hasard. Quelqu'un au hasard de me donner deux. Ça, c'est numéro 1, 2, 3, 4, 5. OK? La personne qui l'a attrapé, je vois rien à cause des spots. Ça, c'est numéro 1, 2, 3, 4, 5. OK, cool. Donne-moi. Parfait. Donne-moi deux sacs que tu veux inverser, n'importe lesquels. Celui-là? Est-ce que tu veux changer d'idée? J'essaie pas de t'influencer. Non? OK. Lance la balle. À quelqu'un. OK, good. Donne-moi deux sacs que tu veux interchanger. Le 2, le 4. Lance la balle. Ah, il n'y a pas personne par là. OK. Donne-moi deux sacs à inverser. Un puis le deux. Êtes-vous satisfait? Voulez-vous qu'on les mélange encore? Je peux aller dire comme ça pendant 20 minutes, si vous voulez. C'est bon? Vas-y, vas-y. Garde-toi. Tu peux y aller encore, si tu veux. Vas-y. OK. Je vais lancer une boule. Encore une fois, la personne qui va l'attraper va me donner un chiffre de 1 à 5. C'est bon? Donne-moi un chiffre. Ça, c'est comme ça que ça marche. Ça me prend tout le temps 2-3 secondes avant de réaliser. OK. On a 1, 2, 3, 4. Lance la boule à quelqu'un dans la salle. C'est ma blonde, ça compte pas. Trois? Est-ce que tu es certain que ce sac-là est safe? T'es-tu sûr? Tu peux changer d'idée, là. Je veux pas t'influencer. C'est celui-là que tu veux. OK? Lance la boule. Un? OK, c'est à ton tour. Viens-t'en. Viens-t'en. Non? Tu veux pas? OK. Un, hein, celle-là. OK. Il faut pas y aller, tu sais, mou. Il faut y aller de même. Juste pour être sûr. Bon, fait qu'il est dans un de ces deux-là. Il faut lancer la boule dans le fond là-bas. Deux. Celle-là. OK, viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens, viens. Viens. Fais-moi confiance. Juste que tu ressentes qu'est-ce que moi je ressens en ce moment. Oui, mais ici. Viens-t'en, viens-t'en. Je vais pas te forcer à quoi que ce soit, OK? Fais juste mettre ta main au-dessus. Fais juste mettre ta main au-dessus. Juste pour que tu ressentes c'est quoi. Mais je veux juste que tu sentes, d'après toi, écoute-moi, je veux que tu me dises lequel, d'après toi, en faisant ça, est le plus safe. Tu vas le sentir, ça fait comme un picotement dans ta main. Non, tu y vas juste comme ça. Ça change rien, mais oui. Fais juste... Je te demande pas de le frapper, juste lequel... Non, c'est pas vrai. Je te niaise. Non. Gars, je m'éloigne, OK? Fais juste mettre ta main au-dessus, puis dis-moi d'après toi lequel qui est le plus safe. Wow. Je pense qu'il y en a pas dans les deux. OK, on verra. Choisis-en un. Lequel qui est safe? Trompe-toi pas, là. Pas celui qui a le clou. Focus sur celui qui en a pas. Qu'il y en a un dans les deux, puis tu vas voir, gars. Tu vas vraiment me laisser le choisir. Fais-moi confiance, je vais te laisser le choisir. T'es ici pour ça, là. Moi, je dis que si je dis celui qui l'a, tu vas tout faire pour essayer de me convaincre de prendre l'autre. On va voir, regarde. Prends mon bras, OK, puis place-moi au-dessus du sac que tu penses qui est safe. Okay. J'essaie pas de te guider pantoute, right? Tu veux celui qui est safe, là? Oui. Trompe-toi pas. Tu me connais pas, tu le sais pas si. J'ai aucune idée, mais j'ai analysé ta personnalité quand je t'ai arrivé tantôt. OK, ben là, je vais me demander si je vais être gentil ou non. C'est bien que tu te poses des questions. C'est toi qui shake ou c'est moi, là? Ça se peut, je shake, là. Tu comprends pourquoi? OK, quand faut y aller. On va aller. Celle-là? Ouais. OK, lève-toi pour pas te faire mal. Celle-là, il est safe. Ouais, ben, je suis pas sûr. T'es-tu sûr? Comment tu peux être sûr, anyway? Moi, je le sais, il est où, mais je sais pas si je veux te le dire. Bon, ben... Faut pas que tu me le dises. Je veux pas le savoir, il est où. Je veux que tu me dises lequel. OK, parfait. Ouais, celle-là. Ouais. OK. C'est pour prendre ta place. Ben, merci. Merci beaucoup. Tu vas pouvoir retourner dans les enfers ancestraux duquel t'es sorti pour faire ça. Ça s'est reproduit en plus. On vous souhaite le mieux possible à toi et à ta charmante famille, mon cher Sébastien. Tu vas passer donner des cartes qui peuvent ouvrir les portes vers ton royaume. C'est ça? Vous mettre des cartes d'affaires sur les tables si vous en voulez. Parce que t'es disponible pour les soirées de sacrifice ou autres réunions du Ku Klux Klan, genre. C'est ça. Ben open. Merci beaucoup à lui. On passe tout de suite aux mains de notre VJ, le plus français de tous les bénévoles de l'organisme, l'excellent Simon Cussonnet, mesdames, messieurs. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. Oh, oui. Et bienvenue dans ce visionnement incroyable. Alors, c'est super cool, vous allez... Oh là! Attention, Tommy. Désolé. Mettre le micro dans l'enceinte n'est pas une bonne idée, me disait encore le lapin des micros et du Larsen. Bonjour à tous et bienvenue dans ce set de VJ incroyable. On va vous donner des bouchons, vous allez en avoir besoin pendant ce set de VJ de Noël. Je me suis poussé au cul pour vous trouver des bons petits trucs de Noël de chez nous, de France. Fait que, ben c'est ça, on va vous donner de quoi, puis vous allez bien rigoler. Un petit instant, on vous prépare ça, merci. Bisous, bisous. Wow. Oh shit, t'as failli me tuer, toi. T'es sûr que c'est... Les jeudis douteux. chaque jeudi à l'Atomique Café, 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis. Ici Jean Perron, si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Tel que d'habitude, mais bon, on est des Montréalais, on va s'habituer. Mon nom est Tommy Godette, je serai encore une fois votre hôte pour cette soirée, le meilleur spectacle gratuit au monde du lundi, c'est sûr et certain. Voilà, la soirée va se terminer avec Mortal Kombat Annihilation, un long métrage que j'ai vu à l'époque en 97 quand c'est sorti, et je l'ai revu dernièrement et je l'ai beaucoup plus aimé dernièrement. Fait marquant sur le film, à la fin du premier, tous les héros sont comme en rangée puis font « Allez, viens te battre, empereur d'outre-tombe ». Et le 2 commence exactement à ce moment-là, sauf que tous les acteurs sont changés. Et ça, je trouve ça pas mal drôle. C'est déjà, tu commences avec de la qualité. Il y a un mème important qui est sorti de ce film-là. C'est quand que la fille a dit « And you will die ». Et c'est à peu près juste au début du film. Vous allez le reconnaître. Là, moi, je suis passé une fille pour l'imiter, c'est sûr et certain. Sinon, ben, juste avant ça, on va avoir un set de VJ de notre Simon Cussonnet de résidence, français expert. J'ai très hâte de voir ça. Toutes les fois, il nous sort une petite innovation. Non, on garde les applaudissements pour plus tard. Ça, on va en avoir besoin, c'est sûr. Ensuite, on va avoir une performance live de notre invité. Mais en fait, juste avant ça, c'est Sébastien Crête, un petit tout croche de vendu à Satan des forces obscures, là. Fait qu'on va puis on va y parler pendant 70%, qui devrait être très animé. Et d'ailleurs, je suis allé vérifier et il y a manière de mettre un être humain dans le four de la cuisine. Donc, si jamais il sort trop de puissance démoniaque de ses mains, Oni, mais on va trouver quelque chose. Sinon, ben voilà pour commencer cette soirée qui, encore une fois, je le rappelle, est le meilleur show gratuit du lundi au monde. Ben, on a une recrue cette semaine, donc avec de la chaleureusation, pour que ce soit chaleureusement, on va accueillir Alexandre BL, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Vous êtes fins. Ça va, les chums? Yes. Dans une minute, ma place. Oui, c'est arrangé. Hey, ça va? Oui, j'ai de la misère à vous voir parce que vous êtes tous super loin, mais on va dealer avec. Tommy, c'est drôle, c'est le seul Montréalais avec un pad que j'ai vu de ma vie. C'est hot, honesty. Moi, j'habite à Longueuil, puis non, ça s'en vient. En tout cas, ouais, c'est ça, je suis venu, je remplace Alex Gosselin, que je crois vous aimez beaucoup. Correct. Là, à soir, t'as un Alex Gosselin qui fait pas attention à lui. C'est ça que t'as ce soir. Un petit gars un peu bedonnant, pas de muscles. C'est hot! Fait que ouais, mais je m'appelle Alex aussi. Puis, tu sais, ceux qui me connaissent pas, ils me demandent tout le temps ah, tu fais de l'humour, tu sais, comme qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as commencé à faire de l'humour? Puis, je leur réponds tout le temps la même chose. J'avais un gros problème de jeu. Ouais, je dois 160$ au eBay Game. Tabarnak. Ah, puis on dit que si je les rembourserais pas, ils venaient casser les jambes à mon paladin. Fait que j'embarque pas trop. À part, waouh, j'ai une couple de dépendance. Ça vous tente-tu que je vous en parle? Ouais? Alright, cool. Je suis dépendant à Internet. Un peu comme pas mal tout le monde ici, là, c'est hot. Non, mais je suis, en fait, plus précisément, je suis dépendant à YouTube. Parce que, en fait, je suis plus dépendant aux vidéos de bébé chat. Je peux regarder ça toute la journée, sérieux, tu sais, puis commencer YouTube, ils te montrent tout le temps une autre vidéo, puis une autre vidéo, puis une autre vidéo. Puis tu sais, moi, je passe toutes mes journées là-dessus, genre, je me réveille, il est 9h le soir, puis j'ai écouté 3 saisons des Simpsons, je sais comment que l'univers a été créé, puis j'ai vu une femme tromper son mari, mais sa réponse vous surprendra. Cette petite BuzzFeed qui brise ma vie. Ils sont-ils assez cute, les bébés chats, avec leur petite papate, leur petite moustache, puis whoop, ils vomit. En tout cas, c'est mon genre d'humour, ça. Ça, puis des zooms dramatiques sur des images. Ça, je tripe là-dessus. Il y a une autre affaire. J'ai réalisé que j'étais dépendant. Pis, en fait, non, je pensais que j'étais dépendant à pornographie. Je pensais que j'étais dépendant à pornographie. Puis finalement, j'ai réalisé que j'étais juste dépendant à me crosser. Fait que tant que je fais pas ça dans un parc, tout est beau. Ah, ben oui, des jokes sur Joël Legendre, hein? Ben, on l'a pas assez écœuré, tu sais. Mais OK, mais moi, c'est parce que j'étais down avec son coming out, mais pas avec son come shot, tu sais. En tout cas. Puis, tu sais, sur Internet, là, je me suis perdu beaucoup. J'écoutais, tu sais, tous les challenges qu'il y a eu, là, tu sais, genre le Ice Bucket Challenge, le, tu sais, puis moi, j'y regardais, j'y faisais pas, puis en fait, j'ai arrêté, j'ai décroché au Ice Bucket Challenge quand ma mère l'a fait cet été, avec une grande robe blanche transparente, ça a scrappé ma fête. Le vidéo est encore sur ma page Facebook, by the way. Non, j'ai délité. Non, c'est ça. Puis, en fait, il y en a un que peut-être vous autres, vous connaissez, ou le monde à la maison. Ça s'appelait le Bee Challenge. Je sais pas, par applaudissement, tout le monde connaît ça? Non, c'est passé en esti, en dessous des radars. Le Bee Challenge, c'était des filles qui prenaient leur soutien-gorge et ils s'en faisaient un masque, comme une abeille. Le jeu, c'était « Devine, je suis qui? » La grande, c'est sur Facebook. Ton nom est en haut, Chris de conne. En tout cas, je... il y a eu le Under the Boob Challenge aussi, puis ça, c'était chill, parce qu'au moins, il se couvrait pas la face, fait qu'on savait c'était qui. En tout cas, ma mère encore. Puis je suis dépendant d'une couple d'autres affaires, mais il y a une affaire, je suis content d'avoir défait ma dépendance. J'étais dépendant à Candy Crush. Puis ça, là, ça sauve tellement de temps. Mais en fait, ça me sauve beaucoup d'interactions weird avec le monde que je connais. Parce que j'ai réalisé de quoi avec Candy Crush, puis je te donne mon affaire. Puis c'est tous les jeux en ligne qui demandent des demandes de vie à tous les jours, là. Check bien ça. Moi, j'avais... Toutes mes amis m'envoyaient des demandes de vie à la même heure. Tout le temps. 5 heures, tout le temps. Puis là, m'en est 5h30. Là, je demande à un de mes chums, je fais « Pourquoi 5h30? » Puis là, il m'explique. Je finis de travailler à 5. 5h25, j'arrive à la maison. 5h30, je suis à la toilette. J'ai réalisé que j'avais l'horaire de caca sur mon sel de toutes mes amies. C'est-tu que j'ai délité ça tout de suite? C'était dégueulasse. Surtout que j'avais des amis, leur photo de profil, c'était genre... En tout cas... Je suis... autre Internet, mettons, je suis dépendant au Energy Drink. J'en bois, tu sais, ils disent un par jour, c'est canette. Tu sais, ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est Monster, Red Bull, Rockstar, tout ça. Fait que c'est ça, ils écrivent une par jour, c'est la canette, fait que j'en bois une de chaque. puis, non, mais il y a bien de mes amis qui me disent « C'est super mauvais pour ton cœur, tu sais, tu peux mourir. » Fait que j'ai downloadé une application sur mon cell qui compte les battements par seconde. Là, tu vois, ouais, les battements par seconde. Là, tu vois, j'étais à 1225. J'étais à 15 d'être un colibri, tout va bien. Puis, je pense qu'on peut pas parler de dépendance sans parler de drogue, right? Là, j'en cherche, là. Y a-tu... Du fromage? T'es dépendant au fromage? Ah ouais? Moi, je suis juste intolérant, fait que moi, je suis mou. Moi, je suis dépendant à chier mou. Ça doit être ça. Non, mais les drogues, parce que... En fait, moi, j'ai jamais vraiment pris de drogue parce que la première fois que je me suis fait offrir de la drogue, c'était déplaisant. C'était juste un gars un peu weird dans un party qui essaye de nous vendre la coke, puis il fait « Hey les gars, voulez-vous que ce party-là soit malade? » On est comme « Non, non, non. » Puis là, il se réessaye avec des champignons magiques, puis il fait « Hey les gars, voulez-vous être malade à ce party-là? » Je n'ai pas embarqué non plus. Mais ouais, c'est ça. Puis je pense qu'on ne peut pas parler non plus. Ben, en fait, non, je vais finir avec celle-là. ouais, le gars, il fait son pacing sur le stage. Oui, je ne suis pas préparé. Je l'ai su à 5 heures. Mais non, c'est ça, il y a une dépendance qui me fait vraiment peur. Je suis dépendant au chocolat. Puis ça, je sais que d'habitude, c'est une maladie de fille, là, ça, puis les menstruations. Mais là, le hate que tu vas avoir sur la page Facebook à cause de ce gag-là. Mais puis c'est parce que je mange bien du chocolat. Puis moi, ça fait 6 ans que j'étais avec ma blonde. Puis pourquoi j'ai peur, c'est parce que plus tu manges de chocolat, plus tu deviens gros. Puis plus tu manges du chocolat, plus ta blonde, elle t'aime plus, puis elle va te laisser. Puis plus ta blonde, elle va te laisser, toi, tu vas essayer de creuser d'autres filles. Mais là, ça va pas marcher, fait que tu vas manger plus de chocolat pour noyer ta peine. Puis là, on va dire, c'est un genre de gros cercle vicieux. Tu sais, plus tu manges de chocolat, plus c'est toi qui deviens un gros cercle vicieux. Fucked up, ça. Puis, je vous laisse avec ma dernière dépendance. Récemment, j'ai commencé à être dépendant à l'alcool. Puis, mais c'est parce que j'ai commencé à boire à 23. J'ai pas l'âge, je sais, j'ai 28, OK? C'est Nivea. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ou le fait que je me crosse puis je me viens en face. Mais en tout cas, ça, c'est d'autres choses. Mais non, c'est ça. Ça m'a pris longtemps à boire de l'alcool parce que la première fois que j'ai bu de l'alcool, c'était une erreur. J'ai commandé un Coke, puis le serveur s'est trompé, m'a amené un rum and Coke. Puis pour vrai, j'ai tellement été malade, là. Sacrement, j'ai tout vomi mes croquettes animales. 8 ans, t'as fait pas le rhum pantoute. Hey, merci, vous avez été super le fun, merci. Ça a été bref, mais le fun. Yes. C'était Alexandre BL, mesdames et messieurs. Hey, Tofoil. Hey, Tofoil. Tofoil. Tofoil. Tofoil.ca. Ça te dérange les pétrolières. Un organisme à but non lucratif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On est... Exactement. Bon. On est accompagné... Je m'appelle Jean-Sébastien Godette. Accompagné de Tommy Godette. Pas de lien de parenté. Et Mathieu Boudreau, qui, surprenamment, on a peut-être des liens de parenté. Parce qu'on vient de la même région, nos familles. Bref. Bon. Fait que on commence avec des livres... On devrait-tu le mettre à part, celui-là? Parce qu'il est spécial. Ouais, ouais. OK. Fait que là, on va y aller dans l'énigme en commençant. OK. Fait que là, ici, on a les mots, la clé des mots croisés. 26 000 mots. OK? Mais accompagné de ça, on a Cracking de Da Vinci Code. C'est un thème, c'est ça? C'est thématique. Fait que, qui est prêt à mettre, je dirais, au moins... 1$ pour trouver les mystères de la vie des mots croisés. Y a-t-il quelqu'un qui dit 1$? 1$. 1$ zéro fois. Au revoir! Ah, là, on a une pièce de résistance. Céline Dion, avec toutes ses dents, même ceux de vampire, de Noël. C'est de Noël, oui. C'est celui qu'on... Ouais. Alors, on a deux chandelles. On a Céline. On a Noël. Ça vaut certainement une pièce. 2 piastres. 5$. De Noël. Qui dit mieux que 5$ de Noël? 5$ une fois. 5$ deux fois. Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Parce que René, il était déjà son manager. Bref, en tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Là. 5$, 3 fois vendu à la dame derrière. Ici, on a un lot de cassettes pour enfants, VHS. On a Caillou. Pas dans sa boîte. 3 cailloux. Mary Poppins. Hey, ça, c'est retourné dans la voûte de Disney, hein? C'est la voûte de Disney là, qui crisse leurs affaires pour les en vendre plus cher. Bon. Petit Stuart, Shrek, le premier, et Cornemuse. Donc, si vous avez des enfants dans votre famille qui vous voulez donner des cadeaux cheaps à ce Noël, ben voici votre opportunité. Hein? C'est à peu près 6-7 cassettes pour pas grand-chose. Donc, on part à 1$. Qui dit mieux? Ben, qui dit 1$ en partant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut des cassettes pour enfants à 1$? On va même rajouter les livres dedans. On est comme ça, on est super généreux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend ça à 1$? Pardon? Le sac de plastique, oui. Ça veut-tu dire que oui, ça, Gaël? OK. Il donne 50 cents à la personne qui part avec. C'est ça, faut pas que ça reste site. Donc, on donne 50 cents à la personne qui est prête à partir avec ce beau lot de cassettes pour enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? C'est exactement ce qu'on voulait. Bravo. On lui donne une main d'applaudissement. Wouh! On le sait bien que tu vas regarder ça. Ensuite... Avec l'autre? Tu veux pas vendre l'autre? OK, c'est trop précieux, Robert Pattinson. Hein? C'est quoi ça? C'est « Become an Obliviator recruiting now every half moon of the month ». C'est le nouveau Harry Potter, on me dit à l'oreille. Qui est probable... Non. Bon, c'est un T-shirt. Un T-shirt, c'est cool. Ça vaut au moins 5$, un T-shirt. C'est un médium. C'est probablement un jeu vidéo, je présume. Alors, 5$? 5$ en partant, bravo. Qui dit mieux que 5$? 6$! Il y a de la compétition, c'est féroce. Qui dit mieux que 6$? 6$ une fois. 6$ deux fois. Il y a le tag officiel, dit. T'es chanceux. 6$ trois fois! Vendu. Maintenant, on va avoir Mathieu Boudreau qui va revenir chercher le Yuki, qui est là pour recevoir les dons dans son orifice. C'est pour faire des dons. Si vous n'avez pas pu acheter quelque chose, vous êtes les bienvenus à donner. Et sans plus tarder, je vous passe Tommy Godette qui va vous parler du film de ce soir. Merci Jean-Sébastien, merci beaucoup. Encore une fois, un merci particulier à notre Simon Cussonnet préféré. Ça a été une autre très belle aventure. Il implique les ramasseurs de projectiles plus que n'importe qui d'autre dans la gang. Et ça, c'est très bien. On est très content de vous avoir pour le long métrage qui va suivre. On est en 1997, c'est Bill Clinton qui est au pouvoir. Les gens jasent de vraies affaires dans ce temps-là, c'est-à-dire les Nordiques viennent de partir puis tout le reste. Le long métrage qui va jouer là, la première fois que je l'ai vu en 97, j'ai trouvé ça très morne. Mais ça l'a très mal vieilli. Vous allez remarquer à quel point les décors, c'est tout du CGI à la Robin Stella. Il y a quelques-uns des combats les plus chorégraphiés poches de toute l'histoire du cinéma. Il y a des dialogues, mon gars, tu veux pas aller pisser jamais. Comme je l'ai dit tantôt, le film commence exactement au moment où le premier se finit. Je sais pas si vous vous rappelez, le premier se finit que l'empereur d'Outre-Tombe... Il ouvre le ciel, genre, puis il dit « Maliez, vous crissez une volée. » Fait que là, Christophe Lambert puis sa gang se place de même, puis il y a « Des monocombats! » Puis là, il y a le générique. Et là, le 2 commence, puis ils sont tous encore de même. Mais c'est aucun le même acteur. Et ça, c'est beau. Et Raiden, celui qui prend la place de Christophe Lambert, là, encore plus fade. C'est incroyable. Je sais pas où ils vont chercher ça. Les effets spéciaux aussi, parce qu'il y a comme tous les personnages, mais tu sais, tu bâtis un film autour de 8 à 12 personnages, incluant les color swaps, dans Mortal Kombat, c'est long en sacrament, là. Et Lizard, c'est ça son nom? Reptile, c'est ça, c'était... Ouais, il est dedans, le film, et je m'excuse. C'est vraiment un excellent long-métrage. L'histoire se tient fuck all. Il y a des dialogues. Je vous ai parlé des effets spéciaux. J'ai hâte d'arrêter de parler, qu'on l'écoute tout le monde ensemble. C'est avec grand plaisir. Jamais j'aurais pensé qu'on diffuse ça un jour, mais ça m'a impressionné à moins 6 la dernière fois. On écoute Mortal Kombat 2. Annihilation. Merci.